ومن اتخذ دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Ensuite le shir nous dit, et c'est un point qui est important, tout le reste, les murs donc de la maison sacrée, al-jawanib, c'est-à-dire les côtés de la maison, également maqam Ibrahim, également il va nous dire le shir, tout ce qui se trouve sur la terre comme mosquée, comme leurs murs ou les murs, également comme les tombeaux des prophètes, les tombeaux des pieux, comme l'appartement de notre prophète, comme la grotte d'Ibrahim, comme l'endroit où priait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui rentre donc également dans min maqabir al-anbiya wa salihin, de même donc toujours pour ce qui est des tombeaux des prophètes et des pieux, également la pierre de Bayt al-Maqdis, il nous dit tout cela, on ne doit pas les toucher. Fala tustalam. Contrairement donc à la pierre noire et Rukn al-Yemeni. Et également, on ne les embrasse pas. Hada bittifaq al-a'imma. C'est donc ici un consensus de tous les imams. Et donc, tout ce qu'on peut voir, et qui se fait malheureusement par beaucoup d'ignorants parmi les musulmans, de par leur ignorance, qui vont se frotter à des portes de mosquées, qui vont se frotter à des murs, qui vont se frotter à des tombeaux des prophètes, ou alors des tombeaux des pieux, al-awliya, comme ils les appellent. Tout ceci donc c'est interdit. Et ça rentre même dans l'innovation, ayadan billah. Et c'est pour ça, subhanallah, des moments on voit des pèlerins avant qu'ils viennent à Mecca, ils arrivent à Médine, ils vont se frotter, ou alors ils vont toucher les portes de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'il y a une baraka dans cela. Comme il nous dit le shir, cela n'est pas permis de faire ces choses là et ça n'a rien à voir avec la religion, bien entendu toucher dans le but de la baraka et d'avoir un irtiqat, pas mujarad al-lams, et la personne elle peut toucher pour sortir ou alors pour on s'est compris par rapport à ça. Donc le fait de toucher, le fait de également d'embrasser ces choses là ça c'est pas permis. Il n'y a aucune preuve par rapport à cela dans la religion. Il va aller plus loin le shir. Il va même nous parler de ceux qui font le tawaf. Ils font le tawaf autour de ces choses-là. Comme le fait de faire le tawaf autour des tombeaux. Il nous dit, min a'zam al-bid'a al-muharrama. Ça fait partie donc des plus grandes innovations interdites dans la religion. Ça fait partie des plus grandes innovations. Ayadan billah. Et bien souvent, lorsque c'est accompagné de croyance, ça rentre dans le shirk. Et ça rentre également bi'tibar idha kana shirk al-ashar walladhi yusil ila shirk al-akbar, c'est-à-dire donc que le shirk al-ashar, le polythéisme mineur, si on considère que c'est tout ce qui est un moyen qui va nous amener au shirk al-akbar, alors ça rentre également directement dans le shirk. À la base, ça fait partie des grandes innovations de faire ces choses-là qui sont strictement interdites dans la religion. Tout ce qui est du tawaf. Le tawaf, il est uniquement pour Al-Kaaba. Il n'y a pas de tawaf dans la religion. Niyahiyan. Absolument pas. C'est pour ça que le shir, il va même nous dire que ceux qui prennent cela comme une religion, c'est-à-dire qu'ils ont pris comme une religion le fait de faire le tawaf autour des tombeaux ou autre chose, comme on peut voir également des chiites qui vont faire des tawaf dans les régions d'Irak, etc. Il nous dit le shir, celui qui prend cela comme religion, yustatab, c'est-à-dire qu'on l'oblige à faire un repentir de cet acte-là. Ou illa qutil. Sinon on le tue. Regardez jusqu'où ça va. Jusqu'où la parole du shir elle va. Pour ceux qui ont pris une autre religion que celle d'Allah Azzawajal. Et qui ont pris comme religion, ou qui ont pris dans leur religion le fait de faire le tawaf à d'autres endroits que Al-Kaaba. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط في أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. طيب, donc ça c'est un terme. Tout simplement, c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on observe la Kaaba, c'est qu'en bas ils ont placé ce qui va permettre de coller et de serrer les rideaux de la Kaaba contre le mur. C'est en sorte de pierre ou autre. Tout simplement donc pour que les rideaux tiennent depuis le bas et qu'ils soient donc collés contre le mur. C'est le terme qui est employé ici par le shir Ash-Shadharwan. Il nous dit le shir, si la personne elle place sa main à cet endroit-là, il nous dit alors il n'y a pas de mal à cela, suivant l'une des paroles ou l'un des deux avis des savants qui est pour lui le plus authentique. Mais il nous précise que ici, Ash-Shadharwan, ça ne fait pas partie de Al-Bayt, ça fait pas partie de la Kaaba, mais ça a été uniquement placé comme imad. Ensuite, il dit ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروج إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. Ensuite le shir nous dit, et avant cela on va tout simplement donner une précision par rapport à ce qui était dit auparavant. Ce qu'on va rappeler na'am, c'est masalat al-iltizam, c'est-à-dire que il est également, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que le shir sûrement il va nous le rappeler après. Certainement il va nous le rappeler après. Voilà que on peut le rappeler ici parce qu'on est dans le sujet, même si le shir au cas où il le rappelle plus tard. Voilà que il est possible également que celui qui fait le tawaf, Beina al-rukn wal-bab. Donc, rukn, min al-hajar al-aswad et al-bab. Donc, al-bab, c'est-à-dire la porte qui va se trouver juste après al-hajar al-aswad, la pierre noire. Donc, entre ces deux, yumkin an yaltazim al-ta'if. Celui donc qui fait le tawaf, il est possible an yaltazim. Bimarna, qu'il place donc an yada' sadrahu, donc il place sa poitrine, wa wajjahu, également sa face, wa dhira'ay, et également donc ses avant-bras, contre le mur, et qu'il reste comme cela, fayaltazim bihi. Ça donc, comme l'a rappelé Shir al-Albani, fi al-hadith al-sahiha, c'est un hadith qui est hasan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on retrouve au numéro 2138. Et donc, c'est ce qu'on vient rajouter au fait donc de toucher, lorsqu'on a parlé du toucher des deux rukn, etc. Donc il était judicieux de rapporter également cette sunna à ce moment-là. Donc comme on l'a dit, l'endroit qui se trouve entre la pierre noire et la porte. Et la porte, bien entendu, qui va se trouver juste après la pierre noire. Le shir ensuite il nous parle pour ce qui est de sifat tawaf. Donc des caractéristiques du tawaf. Il nous dit yustahab, donc adam in bab al-istihbab, c'est-à-dire qu'il est préférable ici, et c'est une sunna. Il est préférable donc lorsqu'il fait le début du tawaf, et plus précisément dans les trois premiers tours, qu'il pratique ce qu'on appelle ramal, et qui est, comme nous l'explique le shir, mithl harwala, qu'il fait de s'empresser. C'est comme un empressement. Et c'est le fait donc de faire des pas qui sont rapprochés, donc des petits pas, mais de manière rapide. Donc, d'aller rapidement avec des pas qui sont rapprochés. Donc c'est pas comme la course. C'est-à-dire la personne n'a pas à courir. Mais elle rapproche ses pas. Le fait déjà qu'elle rapproche ses pas, et qu'elle fait cela rapidement, ça donne ce qu'on appelle donc ramel. Et c'est donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire durant le tawaf al-awwal. Bien entendu, cela, c'est mashrou' tawaf al-awwal, yani tawaf al-qudum, tawaf al-qudum, donc le premier tawaf. Et il nous dit le shir, s'il n'est pas possible de faire cette sunna alors qu'il est proche de la Kaaba, qu'il se trouve proche de la Kaaba, donc la Kaaba elle est à sa gauche, où il l'a placé lui à sa gauche, il doit être le plus proche possible. Il essaye de se rapprocher suivant la capacité. Mais il nous dit le shir, s'il n'est pas possible donc d'être proche des murs, alors il s'éloigne. Il s'éloigne si il veut pratiquer donc ramal. Donc comme on l'a dit, il s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il est préférable qu'il pratique cette sunna alors qu'il est loin des murs de la Kaaba, plutôt qu'il soit proche des murs de la Kaaba et qu'il ne pratique pas cette sunna. Le mieux donc, c'est qu'il soit loin et qu'il pratique cette sunna. Par contre, bien entendu, s'il a la possibilité d'être le plus proche tout en pratiquant ramel, alors ça c'est le meilleur et c'est ce qui est muwafiq les sunna fa wa aula, comme nous le rappelle le shir. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتسلة بحيطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة. Ensuite le shir nous dit qu'il est même permis pour la personne donc de s'éloigner encore plus lorsqu'il fait le tawaf, même s'il se trouve donc derrière ce qu'on appelle Qubbatu Zamzam, et même s'il se trouve donc ce qui est tout à fait acceptable de nos jours, qu'il se trouve, il nous dit, c'est-à-dire comme les Saqa'if, qu'il se trouve sous la partie qui va être couverte du haram, donc la partie qui va être couverte du haram, il peut s'éloigner jusqu'à cette partie et s'éloigner de plus en plus et continuer à faire son tawaf. Pour ça, c'est permis, il n'y a aucun mal à cela de s'éloigner, tant qu'il reste donc dans Al-Masjid, le périmètre de Al-Masjid. Donc il peut s'éloigner tant qu'il veut, s'il n'a pas la possibilité autrement, c'est-à-dire bishiddat ziham, s'il y a beaucoup donc de monde. Ensuite, il va nous dire le shir que s'il prie, au moment donc où il prie, comme donc la prière que l'on va faire après avoir terminé les 7 tours. Il nous dit donc s'il prie fil masjid, le masjid al-haram, et que les gens font le tawaf autour de lui et qu'il passe devant lui. Bien entendu, il veut par là le shir qu'il passe alors que lui il est en train de prier. On sait que cela est interdit de manière générale, que le passant il coupe la prière du prieur, c'est-à-dire qu'il passe entre le prieur et Mawdi' al-Sujud, c'est-à-dire l'emplacement où il fait son sujud. Il est interdit. Et cela est bien connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est rapporté par plusieurs hadiths, tous authentiques. Il va nous dire le shir ici une exception qui est faite. Il nous dit min khasa ici Mekka. Ce qui fait partie des particularités de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, c'est que la personne, elle peut passer devant celui qui prie, lui couper la prière, que ce soit donc un homme ou que ce soit même une femme, et qu'il n'y a pas de mal à cela. Ou lam yukra, c'est-à-dire donc que cela n'est pas détestable. Que cela n'est pas détestable à ce moment-là. Ça c'est la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est son avis. Et c'est l'avis de plusieurs savants également. Mais ici, en regardant cette question de plus près, on va s'apercevoir qu'il y a eu des hadiths, ou plutôt un hadith plus précisément qui est rapporté dans cela, un hadith avec plusieurs versions ou plusieurs variantes, mais qui repose principalement sur un hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, également Abu Daoud, ou al-Bayhaqi, et également al-Khallal ou Abdel-Razzaq, et d'autres encore, donc suivant les variantes. Du hadith de Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, qu'il a entendu donc de certaines personnes qui l'ont entendu de son grand-père. Ça c'est important à signaler dans l'isnad. Kathir ibn Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a sami'a ba'd ahlahu yuhaddithu an jaddihi bihi. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans les chaînes de transmission de ce hadith que Kathir ibn Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, il a entendu il n'a pas entendu de son père en réalité. Enam, comme vont l'expliquer le muhaddithoun, il ne l'a pas entendu le hadith de son père, c'est-à-dire de Kathir. Ninanao Kathir ibn Kathir. Mais qu'il a entendu de certaines personnes, qui eux l'ont entendu de son grand-père, qui est donc ici Al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, car il est Kathir ibn Kathir ibn Al-Muttalib ibn Abi Wadda'a. Et donc le problème qu'on va retrouver dans cette chaîne de transmission, Jahalatu man haddatha an jaddihi, c'est-à-dire tout simplement qu'on va ignorer le statut du point de vue de la fiabilité des personnes qu'il a entendu Kathir et qui se trouvent dans la chaîne de transmission entre lui et son grand-père. Ce qui rend la chaîne de transmission non authentique. Et ce hadith-là, il n'a pas d'autres chaînes qui vont venir renforcer ou qui vont venir appuyer cette chaîne de transmission. Et c'est pour ça que ce hadith, suivant toutes les autres variantes qui vont venir, ne sont pas valables. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, a parlé de ce hadith de façon détaillée dans As-Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, et le numéro du hadith, c'est le numéro 928. والمطلب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يدي ليس بين وبين الكعبة سترة وفي رواية طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بين وبين الطواف أحد. على كل حال, dans ce hadith, il nous est signalé que le prophète صلى الله عليه وسلم priait et que les gens passaient devant lui, Beina Yadei, donc qui passait directement devant lui, et qu'il n'y avait pas entre lui et la Kaaba de Sutra. Il n'y avait pas entre lui et la Kaaba de Sutra. Ça, c'est ce hadith sur lequel, ce hadith et ses variantes sur lesquelles sont appuyés des jurisconsultes, pour dire donc qu'il n'y a pas de mal que la personne elle prie, que l'on passe devant lui lorsqu'il se trouve à Mecca. Le problème, comme on a vu, c'est que la chaîne de transmission n'est pas authentique. Donc c'est un hadith qui n'est pas valable, ça c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que cet acte-là va venir en contradiction avec la généralité bi'umum al-hadith ou al-ahadith fil nahi, nahi al-murur bayna yaday al-musalli. Donc cet acte-là va être en contradiction avec les hadiths qui viennent prouver qu'il est interdit que l'on passe devant la personne qui prie, où qu'elle soit, car il n'y a pas de istithna, il n'y a pas d'exception dans ces hadiths, c'est de manière générale, c'est un statut qui est global ici. Également, si on prenait ce hadith qui est non authentique, on va s'apercevoir min nahiyat dilala, par rapport à l'aspect argumentatif, qui n'est pas précisé que les gens, lorsqu'il est précisé dans le hadith والناس يمرون بين يدي, ce terme بين يدي, c'est-à-dire amamahu, c'est-à-dire donc cette expression en arabe qui veut dire qu'il passait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il passait entre lui et l'endroit où il se prosterne. Ça peut être bien plus loin, et à partir de là il n'y a pas de mal, car à ce moment-là la personne ne coupe pas la prière. Mais également, ça donc c'est un troisième argument, et le dernier argument, c'est qu'on va voir que parmi les salafs, ceux qui empêchaient, même lorsqu'ils étaient à Mecca, que les gens passent devant eux alors qu'ils priaient. Et parmi ceux-là, ce qui est rapporté par Salih ibn Kaysan, yaqul ra'aytu ibn Omar yusalli fil Kaaba, j'ai vu ibn Omar, Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, qui priait devant la Kaaba, wa la yada'u ahadan yamurru bayna yaday, et il ne laissait personne passer devant lui. رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر بسند صحيح. Donc qui est rapporté par Abu Zur'a في تاريخ دمشق et Ibn Asakir également, avec une chaîne qui est authentique. Le deuxième athar également, عن يحيى ابن أبي كثير قال رأيت أنس ابن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه. رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. Donc ce deuxième affaire rapporté par Yahya ibn Abi Kathir, qu'il a vu Anas ibn Malik qui est rentré dans la mosquée sacrée, Dakhal al-Masjid al-Haram, et qu'il a placé devant lui une chose au moment où il a prié. Donc en tant que sutra, comme sutra. Donc on voit à ce moment-là qu'il n'y a rien, et qu'en réalité la parole du Shir ne repose sur rien par rapport à cette exception qui est faite, et le fait d'avoir signalé que ça faisait partie min khasa is Mekka, que ça faisait partie donc de ce qui est spécial à Mekka. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite yaqul rahimahullah, وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف والاتباع هو أن يبدا ضبغ الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطئ الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإن ترك الرمل والاتباع فلا شيء عليه. Ensuite il nous dit qu'il est préférable, donc ici يستحب, ces termes ils sont importants lorsqu'on lit un livre de jurisprudence ou qu'on lise une risala dans la jurisprudence. Tous les termes qui sont employés par les jurisconsultes, c'est des termes qui sont précis, qui ont chacun une valeur, et qu'on doit les comprendre à leur juste titre. C'est pour ça ici qu'à chaque fois, il va nous rappeler un statut. Lorsqu'il dit yustahab, ça rentre bien ici dans un statut, c'est une loi bien précise. Yustahab, c'est-à-dire qu'il est préférable. Il est préférable. Il est préférable donc que la personne, elle pratique, au moment où elle fait son tawaf, bien entendu, pour ce qui est de tawaf al-qudum, c'est-à-dire le premier tawaf, on est toujours pour ce qui est du premier tawaf, c'est qu'il pratique ce qu'on appelle al-ittiba', donc qui est le fait de laisser apparaître l'épaule et le bras droit, et donc de placer ce qu'on appelle al-rida, donc qui est la partie, le drap haut avec lequel on couvre notre corps du haut, de le placer donc sous l'aisselle droit, et de placer ensuite ces deux parties à la atiqi, yani au niveau du cou gauche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-ittiba', et qui se fait durant, uniquement durant le tawaf. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela uniquement durant le tawaf, comme cela a apporté dans le hadith de Ya'la ibn Umayya, auprès de l'imam, qui se trouve auprès de l'imam Abi Daoud dans ses sunan, et Ibn Majah également, et qui est un hadith authentique, ou un hadith hassan, arfouan, qui est un hadith un hassan. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam tafa muttabi'an bi bardin akhbar. Donc le prophète sallam, il a fait le tawaf, uniquement le tawaf, muttabi'an, donc en pratiquant cela, en laissant apparaître donc l'épaule droite et le bras droit, le haut du bras droit. Et donc, pour ce qui est de ramal, walittiba', il va nous dire si la personne elle délaisse cela, si elle ne fait pas cela, alors il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était mustahab. Wa mustahab, celui qui le fait, qui fait cet acte, il a une récompense, et celui qui le délaisse, il n'a rien du tout. Il n'a pas de péché, il ne tombe pas dans le péché. Donc ça reste l'istihbab, ça reste bien entendu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il nous dit wa yustahabbu lahu fi at-tawaf an yadhkura Allah ta'ala wa yad'uhu bima yushra' wa in qara'a al-Qur'ana sirran fala ba's wa laysa fihi dhikrun mahdud wa laysa fihi dhikrun mahdudun 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la bi amrihi wa la bi qawlihi wa la bi ta'limihi بل يدعو فيه بسائر الأدعيات الشرعية بسائر الأدعيات الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين ركنين بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما كان يختم سائر دعائه بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. Ensuite le shir nous dit pour ce qui est maintenant durant le tawaf, pour ce qui est des invocations, il nous parle des invocations. Il nous dit que toutes les invocations elles sont permises tant que c'est mashrou', tant que ces invocations elles sont légiférées, alors la personne elle peut les dire. Que ce soit les invocations qu'elle connaît, qu'elle apprend du livre de la sunna, que ce soit également les invocations avec lesquelles elle va demander ce dont elle a besoin, tout cela c'est permis durant qu'elle fait de tawaf. Et il nous dit le shir que si elle lit le Coran en elle-même, sirran, c'est-à-dire pas à voix haute mais à voix basse, falabas, alors il n'y a pas de mal par rapport à cela, le fait de lire le Coran durant le tawaf également. Mais il nous rappelle ici un point important, le shir. Et il nous dit qu'il n'y a pas en réalité de zikr et de ad'aya, qu'il n'y a pas d'invocations qui sont précises et que l'on doit dire à ce moment-là. Fa huna nahnu fil mutlaq, c'est-à-dire qu'on est dans ce qui est absolu, c'est-à-dire qu'on peut dire tous les doigts qu'on veut, mais qu'il n'y a pas une invocation bien précise que l'on dit durant le tawaf, sauf ce qui bien entendu va nous rappeler à la fin que l'on dit un endroit bien précis. Sinon, à part cela, il n'y a pas donc de doigts. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais ordonné une doigts bien précise, qu'il nous a jamais enseigné une doigts bien précise, et qu'on n'a jamais entendu cela de sa parole, que jamais parmi les sahaba a rapporté cela de sa parole, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait son tawaf, et c'est ça la seule invocation qui va être ici précise par rapport à l'endroit, la seule donc ici, c'est que lorsqu'il terminait son tawaf, donc au moment où il termine son tawaf, c'est au moment qu'il arrive à Rukn al-Hajar al-Aswad. Donc avant qu'il arrive à Rukn al-Hajar al-Aswad, et au moment où il a dépassé Rukn al-Yemeni, alors il disait cette dua, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Donc cette dua qui a été prise directement du Coran, d'un verset du Coran, puis surat al-Baqarah. Donc à la kulli hal, c'est ce qui est ici légiféré, permis. Et il nous rappelle le shir, kama kana yartumu sa'ira du'a'i bidhalik. C'est-à-dire le shir ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait toutes ses du'a avec cette du'a-là. C'est-à-dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. À la kulli hal, comme ici, allaqahu al-sharih, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de preuve directe par rapport à ce qui était cité par le shir ici. Par contre, dans ce sens, il se trouve fi sahihain, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, un hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu, قال كان اكثر دعوتي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc Anas nous rapportait que le prophète sallam, parmi ceux qu'il invoquait le plus, c'est-à-dire l'invocation qu'il utilisait le plus lorsqu'il invoquait, c'était cette invocation qu'on a citée. Et donc ici le shir, il insiste, il nous dit qu'il n'y a aucune obligation par rapport aux invocations lorsqu'on fait le tawaf. Il n'y a aucune obligation. Et que la personne elle est libre d'invoquer comme elle veut. وَهَذَا بِتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. C'est donc un sujet qui fait unanimité chez les savants de la sunna. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى ونكمل الدرس المقبل ان شاء الله. Le prochain cours ça sera باذن الله تعالى mardi, comme il y a eu cours ce mardi, il y aura cours mardi prochain également ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب